émission, seule émission rap de référence. Are you ready for this? Pour une heure de direct et nouveau son en exclu dans toute la France. Tous les soirs sur Skyrock, 20h-21h, Planète Rap avec Fred. Ce soir, Planète Rap spécial Algérino. Passez une bonne soirée, c'est reparti pour une nouvelle soirée avec l'Algérino qui est là, l'heure incroyable. Attends. Ça veut dire quoi? Que j'ai la réputation d'arriver toujours en retard? Ça veut dire qu'hier t'arrives en retard, mais rien de grave, j'ai un tour dans Paris. J'ai expliqué qu'hier il y avait une demi-heure de retard dû à la SNCF. Air France était un peu compliqué, donc. Et là on est à l'heure. Eh ben écoute, tant mieux. Même une heure d'avance, j'étais là avant toi. C'est vrai, tu étais là avant toi. Bon, comment va? Très bien, et toi? En pleine forme? En pleine forme. Venu accompagné de quelques acolytes? Eh, toujours, donc à ma gauche, il y a la famille Cali. Voilà, Marseille présent, toujours ouais, là. Marseille, obligé, venu soutenir justement la Champions League. Merci de votre soutien hein, pour ce soir, les gars. On est venu avec Lionel Messi ce soir. Ah bon? Ouais, il est là. Il est dans les parages. Il est dans les parages. Il est Lionel. Pas loin. Donc ça c'est pour ta gauche, il y a Cali Hardcore qui est avec nous. Et à ma droite, il y a notre ami tunisien. Et on en parlait hier soir justement, ça va bien? Bah ouais, moi c'est pas Marseille, c'est le 9-5, mais bah, c'est pareil. Bien sûr. La famille. On se connaît depuis longtemps avec le Zampou Samir, donc voilà, on est venu soutenir. On parlait toi hier parce qu'on avait un mec qui offrait ça qui s'appelait Marocco. Et alors, voilà, on l'a trouvé. Il le manquait, tu vois. On l'a enfin trouvé. On a tellement demandé celle-là en plus. Voilà, bah tu m'étonnes. Moi je parie qu'on te l'a fait un milliard de fois. Un milliard de fois. Attends, il y a l'Alger, il y a Tunisie. Comment ça se fait que sur Twitter, ça revient souvent ça. Bon bah voilà, on l'a trouvé du côté de Valence. Il était en freestyle hier soir dans l'émission. Tunisiano qui est... ouais, bien en plus. Voilà. Tunisiano qui est présent sur l'album. Exactement, d'ailleurs. On a fait un très très beau titre. Il s'appelle Aman Aman. Et on va peut-être le découvrir tout à l'heure, non? Ouais, on va même le faire en live. Voilà, allez. Direct, comme ça. Allez, donné, vas-y, on comme le... ça, direct. Ah, direct, en live. Ça, c'est cadeau direct. Hein. Exactement. Bon, et puis plein d'autres surprises. On va débuter dans un instant avec le morceau qui s'appelle Grosse Garde-Robe. Yes, qui est, on va dire, le single de l'album. C'est le. On l'a clippé récemment, donc c'est un titre qu'on met en avant. Donc voilà, quoi, en plus, il bouge. Délire, on s'amuse. Le clip, il est frais. Grosse Garde-Robe. Eh ben, on va débuter avec, mais juste avant, on va se rappeler ce qui s'est passé hier soir dans l'émission. C'est le petit retour en arrière de l'émission. Skyrock, remonte le temps. C'était hier soir dans Planète Rap. C'est reparti pour une nouvelle semaine, le Planète Rap avec l'Algérino. Allô, allô? Allô, allô, mon ami! Mais tu es où, mon ami? Mon ami, alors écoute-moi, Air France, qu'ils aillent se faire une soupe. La SNCF, qu'ils aillent se faire une grosse soupe. Une grosse soupe? Et là, hein. je suis dans le taxi. Il va sortir les gyros spéciaux pour Planète Rap. Et on arrive, on déboule. Je t'attends avec impatience pour faire découvrir le cinquième album de l'Alger. Hein. Le cinquième album, ça fait déjà cinq albums. Cinq et albums à ce déjà. Précis, on peut parler de carrière. Tu me demandes. J'ai pas compris, faudrait m'expliquer. Je me demande. Je me sens pas beau, je me sens détesté. Petit, ça va aller. Grosse garde-robe. Ouais, pourtant, je suis ta peintre et jusqu'à là. J'ai tout mon temps, Rolex au poignet. Grosse garde-robe. Ça y est, il est enfin arrivé. 20h23 dans le studio après une petite visite de Paris. On est là. J'ai changé de taxi. J'ai pris Sami Nasseri juste après. Aigle Royal, on l'a pas dit, c'est aussi un nouveau label pour toi, puisque tu as quitté nos amis de 609. Exactement. Pour rejoindre Monstre Marin. Nouveau label, MMC, nouvelle aventure, nouvel album. On se refait une autre carrière, quoi. Que de nouveautés. Exactement. Je suis déjà un aigle, avec toi, je serai un Airbus. Ma demoiselle, veux-tu être ma reine? Grimpe sur mes ailes pour toucher le ciel. Ma demoiselle, veux-tu être ma reine? Tu es déjà un aigle, avec toi je serai un Airbus. Ma demoiselle, veux-tu être ma reine? Grimpe sur mes ailes pour toucher le ciel. Ma demoiselle, veux-tu être ma reine? Alger, on a une petite surprise pour toi, par téléphone. J'aime pas trop les surprises, mais j'aime bien les bonnes surprises. Il faut que tu dises allô, donc j'espère que c'est une bonne surprise. Allô? Allô? Guiwalano! Eh oui! Le patron? Le patron du label MMC, ça va frérot? Ouais, ça va. Bah, écoute, moi j'appelle pour donner de la force, pour soutenir, pour montrer qu'on est derrière, qu'on est là dans l'ombre, même si on n'est pas là physiquement. On est là, on soutient, on écoute, on analyse, on observe tout simplement et voilà. Et je tenais à dire ça devant toute la France, devant toi, devant Fred, devant tous ceux qui écoutent tout simplement. Je sais que sentir souillé. sale jusqu'à la moelle, baignant dans une mare de péché. J'ai pied mais je me noie, toute ma vie je n'ai fait que tricher. Trimer pour des billets, l'envie de tout piller, j'en oubliais même de prier. Vu sur le net, c'est simple, hein. J'étais sur le net, on a fouillé un peu à droite à gauche, j'ai des choses vraies, des choses fausses, comme évidemment tu connais internet, il y a de tout et n'importe quoi. Bon, après la sortie de ton dernier album, c'est correct, tu voulais arrêter ta carrière. Ah, ça c'est strictement faux. Donc ce n'est pas correct non plus. Non, c'est pas correct du tout. Tu sais, moi je suis un passionné de musique. Je me régale quand je suis en studio, je me régale quand je suis en concert. Donc c'est une passion, c'est plus fort que moi, je suis obligé de faire de la musique. Il paraît que tu es entré en studio pour faire un featuring avec Booba. Pas du tout. Humeur d'un jour, c'est un titre qui résume un peu ce que je suis vraiment et ce que je ressens vraiment en tant qu'artiste. Voilà. Il y avait Humeur d'un soir, et maintenant c'est humeur d'un jour. L'Algérino, Aigle Royal dans les bacs lundi. Aïe. Mais qu'est-ce que tu veux que je dise à ma fille quand elle sera grande? Désolé papa était underground, merde à la Zerni, loin d'être verni. Moi j'ai fait des tubes mais je rappe comme c'est pas permis. Mon arène est sur scène, il s'adresse à tout le monde. Je suis né à Marseille, j'aurais pu naître à Vitry-sur-Seine. J'ai rien d'un génie, c'est l'amour de la musique, l'amour de la Russelle, que beaucoup de gens dénigrent, on a fait ça par passion. C'est correct? Très très correct. Ok. Et ce soir, ce sera correct aussi avec l'Algérino. Ah, ce soir, ce sera plus que correct. Ah ouais, plus que correct pour l'album Aigle Royal qu'on découvre cette semaine entre 20 et 21. Ça sort lundi, hein? Ça sort lundi, ouais. Toujours en précommande? Toujours en préco sur iTunes, 7,99€. Ça mange pas de pain, croucherait. Fais-toi plaisir à un moment donné. Allez, cliquez. C'est le prix d'un grec. Voilà. Ouais. Avec la boisson. Avec la boisson. Allez, c'est parti pour débuter ce Planète Rap avec l'Algérino. On balance le morceau Grosse Garde-Robe. Yes, que je dédie à mon ami turc Ismet, qui est en train de, en ce moment, m'initier à cette langue turque que j'apprécie beaucoup. Et compliqué ou pas? Non, ça va, c'est pas mal. Voilà, par exemple, Ben Ameleyan, Tchalashma, Kistirum, Aslangibé. Ça veut dire je veux travailler dur, comme un lion. Pour ceux qui cherchent du travail dans la maçonnerie à Marseille, vous sortez cette phrase, c'est la phrase magique, vous êtes recruté direct. Et il m'a appris un mot que j'aime bien aussi, ananasukum, que je ne traduirai pas. Voilà. Quoi, c'est quoi? Ananasukum. Bon, s'il y a un Turc à l'écoute, dites-nous, parce que moi j'ai envie de savoir. 41759, le hashtag l'Algérino sur Skyrock, et on balance le morceau tout de suite, Grosse Garde-Robe. Oh, Momo le Suédois! Bon, Alger, ça va ou quoi? Encore, en Paris, il y a une grosse soirée avec toi. Je suis là ce soir. On va se mettre frier. Grosse garde-robe! Ouais, poto, je suis ta main frais et jusqu'à l'aube. J'ai tout mon temps, mon lex au poignet. Grosse garde-robe! Comme ça fait rien que tu peux toujours parler. Y'a trop de langue, Depuis qui jacques de langue, yeah. J'la fais en Shaoui, en Kabyle, ce sème. J'la fais même en Turc, ananas, ce gun. Les jaloux, on le sème. On sent pas les clairs, nous on a la classe. Ouma, c'est des clairs. Retiens ta mine, j'en dirais qu'elle a faim. Nous on respecte, t'es pas tombé sur des chiens. Direct à mon rôle, tu veux mon numéro. La hitati, tu connais pas l'Algérino. L'Algérino, sort de capitaux. 1 million d'euros, tous mes classicos. Une armée de bigots dans le barrio. On veut peser plus lourd que les généraux. Grosse garde-robe. Ouais, pourtant, je suis ta fin. L'album dans les bacs lundi. Eh oui mon ami, c'est l'Algérino sur Skyrock. Avec Bibi Melik, foie gras, hlel, confiture de figue à la recherche d'une hlel. Pas d'excès de zèle, pas de coke dans le zen. Le fontaine de la veille, je me suis fait la belle. Je fais le tour des boîtes et des chichas. Les rappeurs m'envient, je fais du bif, ils sont tous en l'air. Gars, rebeu frais, rebeu agile. Pourquoi tu me jalouses, rebeu fragile? Ouais, poto, je suis ta peine. C'est l'Algérie sur Skyrock. Big up, Momo le Suédois. Aïe. Comme ça fait rien que tu peux toujours parler. Y'a trop de langues, de langues. Depuis qui j'ai de langues. J'aime rouler toute la nuit. Que je gamberge de l'Eli. Appelle Tini ya Amri. Aïe, de l'Eli. Aïe. L'album très très lourd, Aigle Royal dans les bacs lundi, la famille. Depuis qui j'ai de longue. Ouais, poto, je suis ta a trop de langue, de langue, de langue, de pute qui jacte de langue, de langue. Eh oui, l'Algérino, grosse soirée ce soir. Très très grosse soirée. J'espère que les meufs elles sont de sortie et qu'elles ont pris la douche. Parce que beaucoup de meufs aujourd'hui ne se douchent plus. Elles mettent le maquillage chemé. Mais chemé, c'est la marque, cousine. Je le remets. Pour toi, j'ai la solution. C'est pas elle seule qui te faut, c'est elle cela. Oui, mon ami. Et oh, à tous ceux qui te taillent aussi au passage. Je te signale que ça existe, mon pote. Et tu peux y aller, vas-y. Remets le suédois. Bien chou, y'en là. Ré la rébaille. C'est l'Algérino avec ce morceau Grosse Garde-Robe. Et ça met tout de suite de bonne humeur. De bonne humeur directement. Grave. Tu te lèves avec ça, t'es bien pour le reste de la journée. C'est parti, tu mets ça à 8h du matin, c'est fini. Ou si tu dînes en ce moment à l'écoute, bah là t'as envie de sortir. Yes. Merci à nos amis turcs qui ont envoyé la traduction. Ouais, je les vois, ils sont là. Ananas Alors, ça veut dire quoi? Non, ça veut. Ouais, va niquer ta mère. Vite fait, quoi. Vite fait. C'est gentil. Bon, c'est... sur la tête de. Voilà, sur la. Je la connaissais sur la tête de ma mère en turc. C'est vrai. Après, je vais appeler Ismet. T'as fait une version turque ou pas sur la tête de... Je suis dessus. Ah oui, quand même. Mais tu sais qu'il y a des Espagnols qui m'ont demandé de reprendre la chanson. Il y avait la dernière fois, je crois que c'était un groupe polonais qui voulait faire un feat avec moi avec la reprise de sur la tête de ma mère. T'as pas fait. Ben, disons que je l'aime bien comme il est. Peut-être turc. Je vais voir. Bon, à suivre en tout cas. L'album Aigle Royal à découvrir ce soir. Il y a Khalif Hardcore, Tunisiano qui est là. Tiens, c'est marrant, hier on se demandait qui avait eu le blaze en premier de l'Alger, Tunisiano. Et l'Alger disait, je sais pas. C'était à peu près à la même période. Et je crois que, parce qu'on a parlé d'M Group. Ouais. Quand tu rappais, t'étais déjà sous Tunisiano à l'époque ou... Non, j'étais Hakem. Et en fait, ça a apparu à l'époque de M Group. C'est-à-dire, en fait, on avait fait un titre à l'époque de, ben justement, dans l'EP de M Group, tu disais quoi. Et il y avait une espèce de petite intro qui m'introduisait. Ça faisait genre, moi, je suis le Tunisiano. Et après, c'est resté. Et finalement, après, avec Sniper, j'ai gardé ça, Tunisiano. Et ça déchire. Moi, je le suivais déjà à cette époque-là. Mmh. Voilà. Je sais pas s'il me suivait, lui, mais. Toi, tu faisais quoi ton T'en étais où toi à l'époque? T'en étais où à l'époque? Et moi j'étais à cette époque-là, j'étais avec 45 Niggaz, groupe de mon quartier de la Savine que je big up. Et je m'appelais déjà l'Algérino. On avait fait un EP 6 titres qui s'appelait Les Guerriers de Mars, qui avait bien tourné à l'époque. Ouais, je crois que tu l'avais même joué pendant la nocturne. Mais je me souviens de ce groupe en effet, 45 Niggaz. Yes. Voilà les amis marseillais. Exact. L'équipe marseillaise. Exactement. Bon, on va mettre un autre morceau peut-être de l'album avec le Royal. Qu'est-ce qu'on met? Je crois qu'on va se mettre On m'a dit, c'est un featuring avec Jul. Donc c'est j'aime bien ce titre parce qu'il a été fait vraiment au feeling. J'avais une instru qui traînait dans mon ordi. On l'a écouté, il y a eu de l'inspiration et on a fait ça en même pas 2-3 heures. Donc il avait fuité sur le net avec une version un peu crade, c'était pas mixé et tout ça. Donc après on l'a envoyé sur le net et là la version que tu vas écouter, elle est mixée, masterisée, elle est bien. Donc elle est finie. Elle est finie. Hein. Et si tu peux me faire un kiff après, si tu peux mettre ça va aller, j'aimerais bien. Et pour toi, on je vais va te le la mettre. Mettre. Bien sûr qu'on va le mettre. Il y a pas de souci, on peut. On va écouter un peu Tunisiano ou pas l'album Aigle Royal ou pas encore? Non, mais je vais l'écouter. Là c'est l'occasion. T'as écouté ton morceau au moins? Ouais, ça va aller, ouais, il m'en a parlé. Finalisé, qui est dessus? Oui, celui-là. Ouais, le morceau qu'on avait fait en fait avec Bachir, donc c'était un titre que je commençais à travailler, je le voyais bien dessus. Il y avait une compile aussi 13e art, donc je big up aussi à Jaco parce qu'il devait être aussi sur le projet aussi 13e art qui n'est pas encore sorti. Et grosse dédicace à toute l'équipe 13e art, Bélir, Kamel, Néné, donc voilà, grosse dédicace. Bon, et le morceau avec Jul, tiens d'ailleurs, on peut dire un mot, Khalif, comme c'est le label, hein, Liga One. Ouais. Jul, il est sur un nouvel album, c'est ça, hein, qui va sortir? Ouais, un double album. Ouais, double album, carrément. Mm-hmm. Ouais, il part pas de temps, hein, Jul. Hein, c'est okay. Ouais. Mais je me souviens qu'en même temps, la G, t'étais un des premiers aussi, parce qu'on faisait les émissions avec Case, là, quelques mois de ça, quand Case a commencé, il y a pratiquement un an sur l'antenne de Skyrock. Tu disais, là, il y a un mec à Marseille qui va tout retourner. Moi, disons que j'ai une bonne oreille, j'ai un bon feeling. Donc, dès que j'ai écouté la première fois, je savais qu'il allait faire quelque chose. Bon, ben là, il est sur ton album. Le morceau, c'est On m'a dit. Yes. Vous envoyez les réactions avec le hashtag Algérino sur Skyrock. Qui envie de te voir briller. Je vois pas la vie en rose, mais je veux la voir quitte à me griller. Comment ça se finira? En ce moment, je suis dans la galère, obligé de passer par là. On m'a dit que ça va passer, on m'a dit évite les blabla. Je fais confiance à ma mère, j'écoute ses paroles quand je suis pas bien. J'ai mon petit frère comme toi, il m'a dit j'en ai marre d'être un chien. On m'a dit fais ta life, fais gaffe les femmes la night. Fais gaffe à la police, ils surveillent quand tu fais ta maille. Je pense au passé, je me médaille. On m'a dit petit, tu veux des sous, faut aller au bar. Lundi la famille, c'est l'Algérino. Aïe. Hey, on m'a dit que la vie est belle, petit faut garder le sourire. On m'a dit profite de la vie, de toute façon on va tous mourir. Depuis que j'ai connu l'oseille, j'arrête pas de courir. Mais le bonheur ne s'achète pas gros, j'arrive plus à dormir. L'Algérie. On m'a dit que la route, que le temps cicatrise et plaît. J'ai pas arrêté de prier. On m'a dit que les gens changent, surtout avec le succès. Moi j'ai jamais changé, j'ai juste un peu plus glové. J'ai pas oublié, photo j'ai pas oublié. Quand j'étais dans la merde, tu m'as renié. On m'a dit fais gaffe aux femmes, elles font couler des larmes. Dis à ma mère que je l'aime, du plus profond de mon âme. Monsieur l'agent, aïe, on compte sur vous la famille, l'album dans les bacs lundi, l'Alger, Aigle Royal, aïe. Le Royal, l'album de l'Algérino avec Jul à l'instant. Yes. Ce morceau qui s'appelle On m'a dit. Exactement. Voilà, morceau qui a été fait à la prod, celui-ci. Je crois que c'est Majestic de Bruxelles. T'as bossé avec du monde dessus, hein, parce qu'on l'a dit, il y a Case, bah, c'est le morceau ouais, de Rome. Il y a Case, il y a Jakar aussi qui a fait beaucoup, beaucoup de sons dans l'album. Je les ai pas en tête les producteurs, bah, je vais les ressortir dans la semaine, voilà, dans la semaine tranquille. Parce que c'est important, il faut, j'y ai pensé tout à l'heure. Il faut leur faire un gros gros big up parce qu'il y a les artistes qui chantent, mais il y a aussi voilà, ceux comme qui ça, on ne t'oubliera personne. Exactement, on va voilà. bien faire les choses. L'album sort dans 6 jours, il s'appelle Aigle Royal et ce soir est une journée importante, vous le savez, car il y a musique, s'il te plaît. Oh, c'est bon. Aïe. Cette musique qui a résonné, hein, quelque part à Marseille. Ah, qui a beaucoup résonné, même. Nous allons donc faire, attends, qui est le plus calé en foot, Tunisiano, l'Alger, Khalifa, qui est le plus calé de vous trois en foot? À mon avis, hein. Je sais pas. Bah, ça va, tu t'en sors bien, toi? Ça va, je me débrouille. Moi, je survole un peu le truc, mais je crois que Khalif. je suis un peu, la qualité. Ouais. Avec l'équipe. Ouais, l'autosportif et tout. Ouais, petit quiz, Ligue des Champions, qui sera le plus fort dans un instant? Qui va remporter la Ligue des Champions sur Skyrock? Bon, on va dire entre Tunisiano et on va avoir sur le banc Khalif. On va mettre l'Algérino et Tunisiano voilà. contre Khalif. Allez, si tu veux. On va se faire deux sur ce coup. Allez. Première question. Avant la nouvelle formule en 92, comment s'appelait la compétition et quelle est la première équipe à l'avoir remportée? La coupe technique. La coupe des clubs champions. Européen. Je suis un monstre. Et l'équipe à avoir remporté cette la toute première coupe. De quoi en France? C'était en 56. Hein, c'était en 56. Le Real. Le Real de Madrid, non? Bayern. Non. Ah si, pardon. Si. Et non, entraîneur, je l'ai dit avant. Moi, j'ai dit en premier. Je l'ai dit plus fort. C'est Khalif, on me dit dans l'oreillette, c'est Khalif. Un point pour. Vas-y, ça marche. Merci. C'est toi l'arbitre, Momo. Putain, voilà. Deuxième question, tu me disais non, t'as perdu. Attends, mais ça fait 1-1. Non, mais c'est. Parce que moi, j'ai répondu. 1-0, c'est pour Cali. Mais j'ai répondu. 1-0 pour Cali. La club. Oui, la fallait... Coupe des clubs bon. Champions européens, mec. Oh, les Marseillais, j'ai répondu Bayern. Mec, les Marseillais, c'est que ça va être compliqué. 1-0 pour Cali. Voilà. Il part avec de l'avance. Mais non, la première réponse, c'est l'Algérie qui a donné. Alors, attends, Ligue des Champions. Concentrez-vous. Tunisiano, tu vas pas dire non. C'est vrai, c'est vrai. Attention, celle-ci, ça va aller très vite. Quel est le seul club français à avoir gagné cette coupe? Quelle année? Quelle année? 93. Et enfin, le 26 mai. Avec un but de qui? Avec un but de Poli. Ah, jamais les. Allez, on va dire qu'il y a un point là quand même. Ouais, allez, un partout. Ça, frère. Avec des dirigeants. Et Tunisiano, t'as vu comment foutre la merde à Marseille? Attends. Comment foutre la merde dans une équipe? Attends, écoute. Gali, franchement, sur ce coup-là, tu me surprends. Pourquoi? En fumette et tu débites. Ah, ça va vite. Ça va vite. Ah, il était très vite. Il me surprend. C'est un train de roue. Tunisiano, par contre, on l'a vraiment perdu. Hein, je crois. Mais non, moi, je pose des questions avec quoi, gros? Ouais. Mais j'ai répondu, l'OM. Je savais que c'était les tripes. Attention, troisième question. Quel est le meilleur buteur sur une saison dans cette compétition? Van Basten, Raoul. Cristiano Ronaldo, je crois. Raoul. Cristiano Ronaldo, en effet, avec 17 buts. Ça va, il était là, tranquille, genre. C'est vrai, mais il est bon. T'as dit qui, toi? Van Basten. Ouais. C'est moi, Van Basten, attends. Quatrième question. Le PSG a été éliminé par quelle équipe l'an dernier et à quel niveau Chelsea. De la compétition? Eh oui, Chelsea. Demi-finale. Note. Momo, note. Non, quoi, c'était pas la demi. C'est un quart de finale au quart de finale. Note. Ouais. Deux points, là. J'ai plus le droit de mettre sur les points. Moi, tu fais le calcul, 3-2. Tu vas me dire la réponse dans un instant. Ça fait 3-2. Quels sont les deux clubs français à être qualifiés cette saison? Paris et Monaco. Mais ouais, c'est vrai quand même temps français, bon, c'est la principauté, quoi, monégasque. Enfin, dernière question, ça c'est la super question, c'est-à-dire qu'on va voir, ça vous départage, je sais plus où ça en est, on est à égalité à un moment. Sur Gigon double. Ouais, de deux là. C'est la question là, c'est qui va tout déchirer. Quel est le seul joueur à avoir marqué un quintuplé? Lionel Messi. Oui, bravo. C'était en mars 2012 contre le Bayern Leverkusen en 8e de finale, victoire du Barça 7-1 à l'extérieur. Il y a quoi à gagner au fait? Il y a un CD de l'Algérino Aigle Royal qui sera dans les bacs. Un abonnement au PSG en tribune PSG, tu vas profiter vraiment de tous les matchs. C'est bien ça quand même. Non, pas, on refuse. Un super maillot. Bon, est-ce qu'on peut finir quand même un petit pronostic pour ce soir quand même? Alors moi je vais te dire, écoute, c'est pas la haine ou la rage qui va parler. C'est à un moment donné. C'est la réalité, c'est ça. Voilà. Tu vas me faire le plan, il faut être réaliste. Voilà. Tu vois, je suis quelqu'un de très réaliste. À un moment donné, je pense que 3-1 facilement pour Barcelone. Parce moi, je pense que ce soir que Paris va se réveiller. Moi aussi, je suis d'accord avec toi. Je pense que là, pour le moment, ils y allaient doucement parce qu'en fait, c'est le genre d'équipe qui réagit à la pression, tu vois. Ouais. Et bon, franchement, quand tu joues contre Caen ou truc, c'est pas vraiment des équipes qui qui te chauffent. Je pense que ce soir, je vois une valise. Non. Une petite sacoche. Donc, Calif, tu dis quoi, le score? Là, on a 3-1 pour l'Alger. Je vois Momo, il fait des 5-0. Khalif, combien? Ibrahimovic, Messi, Neymar, ils sont bons, moi j'ai 4-0. Oh là. Et en plus, il n'y a pas Ibrahimovic. Mais non, il est forfait, le talon, la talonnade, un problème. 4-0. Bah, franchement, je dirais que la défense du Barça, elle est pas terrible. Je dirais, allez, ouais, mais la meilleure défense, c'est 1-2-1. La meilleure défense, pour Paris. La meilleure défense, c'est l'attaque. L'idéal serait peut-être même un 1-0 pour Paris, on sait jamais. On verra. On suivra ça tout à l'heure chez Difool dans la radio libre, à pas louper, juste avant 21h. On va revenir. Est-ce qu'on me fait plaisir à Tunisiano ou pas? Allez, on va lui faire plaisir, mais deux fois. Il a pas gagné, mais il a droit quand même à son. J'ai eu une bonne réponse, Coco. Attention. C'est un morceau que j'aime bien en plus. Ça va aller? Allez, vas-y. Juste après la pub, ne bougez pas. Comme toi, l'Algérino a choisi Planet Rap. Planet Rap. 20h-21h, tous les soirs sur Skyrock. C'est l'Algérino et son album Aigle Royal à découvrir tous les soirs entre 20 et 21 sur Skyrock. L'Alger avec un extrait pour faire plaisir à Tunisiano et à plein d'autres gens aussi. Exact. C'est un morceau que beaucoup de gens ils apprécient. Mmh. Et Tunisiano m'a demandé de le faire passer sur Planet Rap, donc on le fait passer. Ça va aller. Perso, pour moi, c'est l'un de mes préférés. Donc voilà, bon, j'ai pas écouté le reste de l'album, mais en tout cas, par rapport au morceau balancé. Merci, frérot. Et bon, on va le balancer maintenant. Il s'appelle Ça va aller, ce morceau. Juste avant, petite question pour repartir avec l'album dédicacé de l'Algérino. Question assez simple, hein, on en a parlé hier. Qui sont les artistes qui featurent avec toi sur l'album Aigle Royal? Qui featurent avec moi, donc il y a Tunisiano. Qui collabore un peu. Non, merde. Ouais, mais attends. Moi, tu sais que je démarre au quart de tour. Je sais. Je sais pas. Ce n'est pas toi qui pose la question. Peut-être qu'il y a des billets pour ce soir, pour le match. Ce soir. Trop tard, c'est Khalif qui a récupéré l'abonnement. Dommage. Bonne chance, Khalif. Allez-y, qui sont les artistes présents en featuring sur l'album de l'Algérino qui sort lundi dans les bacs 41759. Oui, il y a Tunisiano, ça c'est sûr. Et d'autres. Balancez les noms, 41759 avec l'hashtag l'Algérino sur Skyrock. Et voici le morceau, ça va aller pour continuer l'émission Le Planète Rap de l'Alger. L'époque est folle, dur de garder la tête sur les épaules. Ce monde me fait peur donc je m'isole. J'ai pas compté combien de fois j'ai touché le sol. Où sont passés mes rêves d'enfant? J'ai grandi trop vite ma chère maman. Papa m'a dit de prendre mon temps. Aujourd'hui je raconte mes regrets en chantant. J'avais rien à foutre du monde, plaqué me noter. J'ai cru que le bonheur c'était de courir après le blé. Oui, les études abrégées, j'ai beaucoup d'acné. Je parle plus aux filles, je suis trop complexé. Je me demande, oh, j'ai pas compris, faudrait m'expliquer. Je me demande, oh, je me sens pas beau, je me sens dépassé. Mais qui ça va aller? C'est la vie, c'est le monde, c'est les hommes. T'es tout seul sous le ciel étoilé. C'est la vie, c'est le monde, c'est les hommes. Écoute-moi petit, ça va aller. C'est la vie, c'est le monde, c'est les hommes. T'es tout seul sous le ciel étoilé. Aïe, c'est l'Algérino sur Skyrock, mon ami, l'album dans les bacs, le lit. J'ai coupé des plaques, je traîne avec mes potos blancs, beurre asiatique et black. Assis contre un mur, je fume ma première cigarette. Petit déjà, j'ai compris que le quartier n'était pas net. Juste en bas chez moi, je vois les grands qui bicravent. On a la PlayStation et la télé dans la cave. On freestyle jusqu'à pas d'heure quand je découvre le rap. Papa me donnait des roses, il avait peur que je dérape. La conseillère me dit que j'ai des capacités. Avertissement de conduite, rarement félicité. La plus bonne de l'école me fait tourner la tête. Un mec m'attend à la sortie pour faire un tête à tête. Je faisais tout dans l'excès, adolescent complexé. Maman se fait du souci, regarde la rue en train de me piéger. J'ai cherché la paix dans le pavé. Je ferai la guerre pour construire à maman son palais. Je me demande, oh, j'ai pas compris, faudrait m'expliquer. Je me demande, oh, yeah, c'est l'Algérino sur Skyrock. Si ça va aller. C'est la vie, c'est le monde, c'est les hommes. T'es tout seul sous le ciel étoilé. Aigle royal dans les bacs lundi. Écoute-moi petit, ça va. Big up, ré, rouge. Aïe. C'est la vie, c'est le monde, c'est les hommes. T'es tout seul sous le ciel étoilé. C'est la vie, c'est le monde, c'est les hommes. Je souhaite à tout le monde de sortir du tiex, moi. J'ai trop été collé au banc de la tête. Dédié à tous nos amis disparus. Je suis pas comme tous ces rappeurs qui vénèrent la rue. Je me demande, oh, je me demande, oh, petit, ça va aller. C'est la vie, c'est le monde, c'est les hommes. T'es tout seul sous le ciel étoilé. C'est la vie, c'est le monde, c'est les hommes. Écoute-moi, l'Alger en direct de Skyrock. Big up, c'est la vie, Tunisiano, Khalif Hardcore. Aïe. C'est la vie, c'est le monde, c'est les hommes. Ça va aller à l'instant. Toujours aussi bon, Tunisiano. Tu m'as pas vu chanter? Oui. Tu m'as pas chanté le refrain? Je t'ai vu. Ah, franchement, ça fait plaisir. D'ailleurs, en concert, quand je le chante, les gens, ils chantent en chœur et ça fait vraiment, vraiment plaisir. Même dans le Maghreb, je crois que c'est l'un des préférés des titres que j'ai envoyé. Ouais. Ça y est? Ouais. Il est déjà arrivé, forcément. Oui, puisqu'il figurait, on l'avait mis aussi pendant la exactement, semaine. Exactement. En fait, on avait fait le clip. On a même balancé le clip. C'était au mois de mai, je crois. Et il a bien tourné au Maghreb aussi. Ça va aller, c'est extrait de Aigle Royal, l'album qui sera dans les bacs lundi. Yes. Avec l'Algérino, notre invité, dans un instant du live. Le morceau que vous allez faire tous les deux pour la première fois en live. Yes. Extrait de ton album, ça arrive. Et juste avant, on est avec Yanis de Sartrouville. Salut Yanis. Ça va Fred ou quoi? Ça va et toi? Ouais, ça va tranquillement. Bah écoute, je te présente un peu tout le monde. L'Alger. Alger, ça va quoi? Salut famille, bien. Tunisiano. Ouais, tranquille quoi? Khalif Hardcore est là aussi. Ça va? Ouais, toi. Ça va, ça va quoi? Tranquille. Prêt à rapper, Yanis? Ouais, je suis prêt, vas-y. Eh ben on y va, session freestyle par téléphone. Coup d'envoi. Ok, Yanis, F2L, brah. 1, ça retrouve ville, boy. Ok, 1, check. Ok. Anonymous Music était sorti. On te nique ta vie si t'es les orgies. Quand le brilli parle, toi tu es par tes couilles. Si tu m'envoies des pics, t'envoies des orties. La rap m'écoute pas, bah l'écoute Versace. Louis Gucci, Zano, tu Versace. Quand tu t'allumes un tapé, tu tressailles. Le talent, tu fais rare et toi tu perds ça. Allez, nique ta mère. Robin, Didi, des gros choses dans la poule ou sur les filles. Parler assumé, des choses différentes. Dans la rap, je suis venu, j'ai vidé Vichy. Je baisse tout le game, le vrai t'as 4 fans. C'est qu'il me paraît de sentir capable. En position, faiblesse, s'attrape sur la flotte. De 4 en 4, par des suites, gros, c'est pas rentable. Les petites salons. Parce que j'ai prêt, je vais percer dans ce putain de rap game. Des tonnes de lyrics, bien l'autre. C'est mon concurrent, allez vite disparaît. C'est le bico, je suis banco, j'étais pas direct. Mal visé, elles sont chez PD, PD, coupable. Ils disent comme Dexter, je te pète les sinus, sont timides. Nique tous les rappeurs de ta ville. Vouloir me détrôner, trop d'espoir. Je te baisse ta vie, si tu baisses ta vie. Funeste, flow, obscur, Batman. Je te nique ta mère, gros, si tu parles mal. Tu réponds comme deux de vanté. Après la carotte, tu te manges la banane. Bref. Ok Yanis, en freestyle d'open et trap, carré, court, efficace, bravo à toi Yanis. Merci, merci. C'est correct Yanis. Merci. Archi merci, correct. Petit dédicace, passe petit le bonjour à ouais, Sartrouville bon. Yanis. Ah, si, c'est tout. ouais, mon Twitter c'est YanisF2L. Le Facebook officiel c'est YanisF2L aussi. Instagram YanisF2L aussi. Il y a un très très très gros projet qui va sortir très très bientôt, là, courant 2015. Même fin 2014, il va s'appeler Sublisphère. Il y aura la présence de Burka Dabra et Hamzon dessus. Ça va être très très lourd. J'ai balancé un gros mix de sombre qui s'appelle Toujours dans l'ombre. Il est disponible sur YouTube et en téléchargement légal. Et voilà quoi. Eh bah, ben merci. Gros dédicace, petite dédicace. Vas-y, vas-y, vas-y Yanis. Gros big up à David 785 et Omar et Haroun et Yaruba qui sont présents avec moi. DJ Pras, Kazalo l'hypnotiseur, Ayan mon ingé son, Burka Dabra et Hamzon, à Stephen Juemo, Kazed à Melvin et Dobskara d'Argenteuil, Médit Sanoa, Ibrahim Desablon, Jonathan de Gennevilliers, Sabrina de Gennevilliers, Nargis Demuro, Anissa de Mantes-la-Jolie, Anar Guiland et Omotecito et au Blue Crystal. Eh bah voilà, avec tout le monde derrière. Je me disais c'était bien calme. C'était bien calme, mais non, ils étaient tous derrière, prêts à réagir. Bon, on va écouter donc un morceau avant de passer au live, même deux morceaux, je crois. Ouais, deux morceaux, on va s'écouter Mahlal. C'est un morceau que j'aime bien. Bah, je sais pas si tu l'as pas écouté. Non, je sais pas si celui-là. C'est bien pareil. Petit, comme... il est né comment, par exemple, celui-ci? Ben, ça, c'est un titre, c'est Spike Miller qui m'a envoyé la prod. C'est un peu dans le délire Drake, Future. Mmh. Et voilà, petite performance technique. Et en même temps, c'est le même style de titre que Aigle Royal. Quand tu as un souci avec ta meuf, fais-lui écouter ça, tout va bien. Et tout va pour le mien. Ouais, exactement. Allez, on balance le morceau, c'est extrait d'Aigle Royal qui sort lundi dans les bacs. C'est l'Algérino sur Skyrock. L'album dans les bacs lundi. Aïe. Serais-tu prête à éclairer toutes mes nuits? J'ai fait de l'oseille, maintenant je veux du love. N'écoute pas les gens, n'écoute pas les on-dit. Je te donnerai tout, donne-moi juste du love. Veux-tu être ma hlèle? Veux-tu être ma hlèle? Veux-tu être ma hlèle? Je t'emmène en lune de miel. Veux-tu être ma hlèle? Veux-tu être ma hlèle? Veux-tu être ma hlèle? Je t'emmène en lune de miel. J'ai connu des meufs chez Dana, le cœur d'Olche Cabana, qui rêve d'un Tony Montana, des diamants comme Rihanna. Elles finissent tout le temps seules. Elles finissent tout le temps seules. Dans les plages Copacabana, piscine et cigare Havana, 430 jogging Armani. On drague sur les plages comme Manny. Mon Dieu que je me sens seul. Mon Dieu que je me sens seul. Yeah, je ferai des miracles pour éclairer tes nuits. Toi tu es mon ange, le diable notre ennemi. Ils sont jaloux de nous, veulent nous jeter des sorts. On va les rendre jalouses, pas besoin d'attendre les soldes. Refais-toi les ongles pour compter des milliards de billets. Tu manqueras de rien, même la tapisserie sera en jaune et violet. Je veux une hlèle, pas une folle, caractère de fauve. Viens on se sauve, j'ai fait de l'oseille, j'ai juste besoin de love. Serais-tu prête à éclairer toutes mes nuits? J'ai fait de l'oseille, maintenant je veux du love. N'écoute pas les gens, n'écoute pas les on-dit. Je te donnerai tout, donne-moi juste du love. Veux-tu être ma hlèle? Veux-tu être ma hlèle? Veux-tu être ma hlèle? Je t'emmène en lune de miel. Veux-tu être ma hlèle? Veux-tu être ma hlèle? Veux-tu être ma hlèle? J't'emmène en lune de miel. J'ai connu des meufs chez Dana, le cœur d'Olche Cabana, qui rêve d'un Tony Montana, des diamants comme Rihanna. Elles finissent tout le temps seules. Elles finissent tout le temps seules. dans les plages Copacabana, piscine et cigare Havana, 430 jogging Armani, on drague sur les plages comme Mani. Mon Dieu que je me sens seul. Mon Dieu que je me sens seul. Yeah, la vie est courte, baby. Pourquoi se prendre la tête? Je veux juste me poser avec toi. J'en ai marre de faire la fête. N'écoute pas les ragots qui circulent sur moi. Sûrement des meufs qui me courent après, machiavélique et sournoise. Prends ma couronne, ma reine, on rôde sur le front de mer. C'est la pleine lune, j'entends les loups, j'entends les commères. Je te donne les codes de ma plaque, donne-moi les codes de ton cœur. Prends les clés de ma Maybach sur l'autoroute du bonheur. Serais-tu prêt à éclairer toutes mes nuits? J'ai fait de l'oseille, maintenant je veux du love. N'écoute pas les gens, n'écoute pas les ondits. Je te donnerai tout, donne-moi juste du love. Veux-tu être ma hlel? Veux-tu être ma hlel? Veux-tu être ma hlel? Je t'emmène en lune de miel. Veux-tu être ma hlel? Veux-tu être ma hlel? Veux-tu être ma hlel? Je t'emmène en lune de miel. C'est l'Algérino sur Skyrock. Big up Tunisan, big up Khalif Hardcore. Aïe, Aigle Royal dans les bacs lundi. Yeah! J'ai connu des meufs chez Tana, le cœur Dolce & Gabbana. Qui rêve d'un ton Montana, des diamants comme Rihanna. Elles finissent tout le temps seules. Elles finissent tout le temps seules. Dans les plages Copacabana, piscine et cigare Havana, 430 jogging Armani, on drague sur les plages comme Mani. Mon Dieu que je me sens seul. Mon Dieu que je me sens seul. C'est extrait de l'album de l'Algérino qui sort lundi. Lundi yes. 2 Le 7 Le, non, 6, le 6, 6 pardon 6 octobre ouais. Je raconte maintenant c'est, le 6 octobre c'est, le temps passe tellement vite. Ouais, je sais, je sais. Elle est rebouffée. Ouais, même pas. Même pas, si en plus. Mais pas encore. J'attends le match. Il pour, est oublier. Dans le match. Pour oublier. Pour oublier. Non, ouais, c'est le. C'est, bah, pour oublier peut-être certaines choses. Tout va bien se passer. Tout va bien se passer. Ta calife, il en perd pas une. C'est d'un seul coup, il est là, posé, et bim, il t'allume. Et pour oublier quoi. Ouais, on va voir, on va suivre ça, de toute façon. On a fait du match pour oublier. On a fait les pronostics avec Tunisiano. Nous, nous sommes plutôt confiants. Désolé, hein, ami marseillais, mais. Bien. Moi, en même temps, l'espoir fait. Il faut supporter. Son équipe, hein. Bah ouais, c'est, sûr, c'est cette arrogance d'un seul coup qui revient. Les Marseillais, ces derniers temps, étaient un peu. Mais non, mais on est. T'as pas remarqué Tunisiano? Ah, depuis que Gignac a arrêté les Big Macs. Ouais, la maigrie, hein. T'as pas remarqué la saison dernière, comme c'était un peu. C'est bien marqué. C'était un petit peu moins flamboyant la saison dernière. Ouais, bon, on était un peu en construction. Voilà, quoi. C'était un peu compliqué. Là, le loco est arrivé. C'est le moment de faire le trou avec les autres équipes, je pense. Voilà, je pense. Il faut en profiter. Il okay. faut tuer la bête. Oh. Mais comme on dit, pendant qu'elle est malade, c'est à la fin du match qu'on compte les points. Nous verrons ça donc à la fin de saison. C'est à la fin du bal qu'on paye les musiciens. Ah. Ou aussi, ouais, c'est une variante. Ça c'est pas très vrai parce que moi il faut qu'on me paye avant de chanter. C'est. Eh vache. Ou la moitié. Ouais. Ah, toujours. La bouchta. Toujours. Ça bon, tu tiens Tunisiano qui est là aussi avec nous. Tu t'avais pas dit que t'arrivais avec un nouvel extrait là, Tunisiano? Un nouvel extrait de. Mais de ton projet qui se prépare, non? T'avais pas dit que t'allais balancer quelque chose? Non, non. En fait, c'était. Je t'avais parlé de Vald. Ah, c'est Val. Val, un projet que je suis en train de produire et qui est prévu justement pour le 27 octobre qui sort. Il balance son EP NQNT. Donc voilà, je te parlais de lui. D'ailleurs, il vient de balancer le clip Shoot un ministre. Et puis il y a d'autres choses qui arrivent, mais bon, voilà. Donc Val, pour l'instant, c'est concentré là-dessus, plus exactement. La casquette de producteur. Voilà. Là-dessus. On essaye. Producteur. Très, très bien. Très bien aussi. C'est très, très bien. L'Algérie aussi, tu produis pour d'autres? T'aimerais écrire parce que Tunisiano, il écrit pour pas mal. Ouais, non, aussi pour d'autres personnes. Ben, disons que je travaille beaucoup, je suis beaucoup en concert, je suis sur mes projets, c'est déjà beaucoup, beaucoup de taf. Et donc, s'occuper d'un artiste, c'est vraiment du travail. Mais écrire pour d'autres, ça te plairait ça aussi? Parce que ça m'est déjà arrivé, je crois, je me rappelle plus, mais ça m'est déjà arrivé. Même sur des projets qui vont sortir là. Mm-hmm. Ouais. Pour qui? Je m'en rappelle plus. Mais j'ai déjà. Après, j'aime pas dire pour bon, qui. Bon, ok, c'est plutôt feinte, genre, je me rappelle plus. Non, c'est plutôt la feinte. Non, ça m'arrive d'écrire pour des gens, mais j'aime pas dire pour qui j'écris. D'accord. Voilà. Tout dans la discrétion. Exact. On va écouter donc un morceau avant de passer au live avec justement Tunisiano. On va s'écouter Humeur d'un soir, c'est un morceau qui revient beaucoup, il y a beaucoup de gens qui le demandent. On l'a mis hier soir d'ailleurs. Yes. Et bon, on y va. Allez. Allez, c'est parti, c'est extrait d'Aigle Royal, ça sort lundi 6 octobre dans les bacs. 2h30 du matin, pleine gamberge, plein de trucs qui te passent par la tête. Tu remèmes, tu te remets en question, tu voyages dans tes pensées. Tu te

aman, aman. Alors on chante aman, aman. Aman, aman, aman, aman, aman. Octobre dans les bacs. Aman, aman, dans les bacs, aman, tu. Yeah. Sœurs, on est des frères, pour nos discours nous payons. Et on fait des erreurs, donc y'a une gomme au bout de chaque crayon. Grande gueule, et en fit, y'a Samir, frère algérien. Seul, on va plus vite, mais ensemble, on va plus loin. Serrer le poing, on a la foi pour prier. Tu es l'enfant d'un roi, et non pas un fils d'ouvrier. Le genou plié, on sait pas le faire, coup c'est dead. Ils nous ont pillé, on pille les ressources de nos bleds. Du doigt, les mêmes que l'on persécute, partis avec belles et buts. Les mêmes qui se prennent pour des rois. Mondial, nouvelle ordre, accroche-toi. Les caisses pleines, ils tiennent les rênes, les mêmes qui purgent les peines. Et c'est les mêmes qui purgent de grosses peines. Au-dessus des lois, ils se croient tout permis. Les riches s'enrichissent, le peuple vit la zermie. Ils nous prennent pour des cons, que la jeunesse aïe. Alors on fait un Gérino, alors je chante aman, aman, aman, aman, aman, aman, aman, aman, aman, aman, aman, aman, aman, aman. Alors je leur chante aman, aman, aman, aman, aman, aman, aman, aman, aman, aman, aman, aman, aman, aman, aman, aman. Je rêvais d'être astronaute et toucher les étoiles. Je voulais rien d'autre qu'un parcours idéal. Et moi et mes chorotes, à trop squatter la dalle. J'ai eu une paire de menottes avant de remplir des salles. Je voulais d'être astronaute et toucher les étoiles. Je voulais rien d'autre qu'un parcours idéal. Et moi et mes chorotes, à trop squatter la dalle. J'ai eu une paire de menottes avant de remplir des salles. L'album Aigle Royal dans les bacs lundi. L'Algérino, Tunisiano, aïe, Tunisian, Khalifa Hardcore, Big Up, Nassi, Skal, aman, aman, alors tu chantes, aman, aman, alors on chante, aman, aman, grosse dédicace à Panam, aïe, 9ème, Jacques Cartier, c'était ours, aman, aman, Aigle Royal dans les bacs, tu, aman, aman, 6 octobre, la famille. C'est correct, mon ami Tunisiano, l'Alger. Khalifa Hardcore est aussi dans la partie. Et yeah, la famille, on débarque en CLS. Grosse dédicace, Marseille. Tous les quartiers dans Marseille, tous les quartiers de France. Yeah, yeah, yeah, yeah, ouais. T'es trop mignon, je te franchis comme un Dodan. Crinière de Lyon, des cafards sous la Hogan. En rébellion, on sort les griffes comme Logan. Un peu chiffon camouflé par les Ray-Ban. Je vois trop de cousins rouf sur la cabessa. Au RSA, ma cavati m'a pessa. Malhonnête, je suis pas mec, je finis ballonné. Je suis pas un hasard, tu sniffes la coque. Ouais, t'as malhonné. Un gros bâtard, je m'en bats les couilles, c'est tulé. T'as pas la classe, t'es bon qu'à gesticuler. T'es pas la classe, t'es bon qu'à gesticuler. Je vais tout railler avec un appétit d'enculé. On débarque en CLS. Quartier Nord, c'est pas dans le GPS, frère. On a le son qui fait flipper les CRS. Roule un pète à ma santé, je suis en fumée, je suis limite rata. Aïe! On débarque en CRS. Yeah! France dédicace, la Sabine, fond vert, la Castella, Flanda. La vis. Yeah! Je suis en fumée, je suis limite rata. Yeah! Micro chargé, y'a des jaloux à fumer. Trop d'éther, donc c'est fumé à fumer. Fais le mic comme ça, ce que tu peux assumer. Je mets des rafales et repars dans la fumée. Micro chargé, y'a des jaloux à fumer. Bré, bré, l'Algérino, Khalifa Hardcore, CLS. Et on dit que c'est la famille. Hey, ouais. CLS, ok, Gosla à l'ancienne, Talon Valenciennes. Je suis avec des bricots qu'on les chicots qui dévorent les chaînes. Se caser avec une relève, fait tomber sur des hyènes, sur des chiennes, sur des hyènes. Garde la pêche et reste en hyène. Je traîne avec des harbis sapés à l'italienne. Poula, poula, poula, poula, poula, poula, poula, poula, poula, famille. C'est l'Algérino en direct de Skyrock. CLS avec Khalifa encore. Attends, attends, tranquille. Grosse dédicace pour tous les quartiers nord de Marseille. Voilà. La Savine, le Plan d'Au, Fond Vert, la Castellane, Bassens. C'est correct. Une grosse dédicace à Ré, Crouche, à lui, la famille, les beaux maîtres, Fren. On est là. Balance la sauce, j'ai carré. Aïe. Grosse dédicace à Mam, c'est le frérot. Mam. Talo M, Valenciennes. Je suis avec des bicots qu'on les chicots qui dévorent les chaînes. Se caser avec une haine. Sur des hyènes, sur des chiennes, sur des hyènes. Garde la pêche et reste en hyène. Je traîne avec. Avec des harbis sapés à l'italienne. Plus de classe que saoudienne dans une soirée parisienne. Willy Willy t'es en wifi plein de chichi. Moi je kill Bill le beat meurtrier comme Al-Assad en Syrie. Yves Saint Laurent, Jay-Z, il est frais comme du Dombé. Flo Kalashnikov, impossible à dompter. J'ai grandi dans un trois rats. J'ai une notaire au téléphone ray pour payer ma villa. L'Algérino. On débarque en CLS. Quartier Nord, c'est pas dans GPS. Quartier Nord, le Z. On a le son qui fait flipper les CRS. Roule un pet à ma santé, j'suis en fumette, j'suis limite rapta. Monte le son dans la voiture, c'est correct. Grosse dédicace au Somanès. L'album dans les bacs. Grosse dédicace au Somanès. Aïe. Koum, micro chargé, y'a des jaloux à fumer. Trop d'éternités, on est à fumer. Le mic en main, c'est la famille. Je mets des rafales et repars dans la fumée. Le sous-octobre dans les bacs, l'Algérino. Trop d'éther, donc fais tourner à fumer. C'est correct. On débarque en CLS. Quartier Nord, c'est pas dans le GPS. On a le son qui fait flipper les CRS. Aïe. On débarque en CLS. Quartier Nord, c'est pas dans le GPS. On a le son qui fait flipper les CRS. Roule un pet à ma santé, je suis en fumette, tu limites rapta. Aïe, c'est correct, mon ami. On est pas bien là. En direct sur Skyrock. Tounisan, Khalif Hardcore, l'Alger. L'album dans les bacs, lundi, on compte sur vous les amis. Aigle Royal, l'album dans les bacs et le live avec Tunisiano, avec Khalif Hardcore aussi, voilà, sur le Fred aussi, morceau. Il est là. Et Fred. Voilà, et je peux vous tenir juste au courant. 0-0, ça y est, c'est parti, PSG Barça. Ça commence bien, déjà c'est bien. Profitez, 4, les Parisiens, 4 minutes profitez. 19, il n'y a pas de but, c'est très bien. Profitez. Essayez de tenir. Tunisiano, ne répondons pas à Tunisiano. Non, mais cool, en tout cas. Et vous jouez quand, vous, en Champions League d'ailleurs? On est peut-être en mesure de se faire le Barça. Alors, je t'explique quand, on est avec votre beau stade, on l'a déjà. On est en train de reconstruire. On reviendra l'année prochaine avec le stade qu'on a actuellement, qui est magnifique, qui est extraordinaire. Mais Ligue Europa. Là, on a fait maigrir Gignac. Non, mais la Ligue Europa, tout ça, c'est pas intéressant. Et on va revenir, t'inquiète pas. Mais c'est pas intéressant, tout ça, la Ligue Quelle Europa. Quelle arrogance marseillaise. On va les retrouver. J'ai envie de te dire, même le championnat de France. Bon, on joue parce qu'on est obligé. Allez, on fait tourner la roulette, c'est parti. Skyrock t'offre Kev Adams, le comique numéro 1 de la nouvelle génération. Salut Marion de Poitiers, ça va bien Marion? Ça va. Ça va, en pleine forme? Oui. Prête à faire tourner la roulette, Marion? Ah oui, très prête. Allez, Aigle Royal va te porter chance, l'album de l'Algérino. Dès que tu veux, tu dis stop et tu as dit stop. La roulette qui va s'arrêter pour toi, Marion, c'est... Et ben voilà, c'est fait, c'est la tournée Kev Adams pour toi. Il y a deux places quand il passera près de chez toi avec le DVD qui va avec. Ah, cool. On t'envoie ça du côté de Poitiers. Bisous, Marion. Bisous. Passe une bonne merci. Soirée. Merci à Marie pour cette soirée. Merci Tunisiano. Merci pour l'invitation. Bah écoutez, merci de m'avoir invité. Moi, je vais juste en profiter pour remplacer une vite fait à mon équipe. Vas-y. Il y a Marcus, il y avait ALD qui arrive avec son projet. Il y a quoi? Il y a Biggie Grosso qui doit sûrement écouter. Biggie. Il y a Fianso Man aussi avec qui je collabore en ce moment. Bon, donc salut. Voilà, tu vois, toute la petite équipe. Et merci à l'Alger de m'avoir invité. Hein. Moi, je tenais à remercier Tunisiano de nous avoir fait l'honneur d'être présent ici à Planète Rap parce que c'est un bon, c'est la famille. Et on soutient et tahia Tunis. Bah normal, Ren Ali, hop. Je voudrais faire un dédicace spécialement à mon gars du 19e, Mam, s'il va se reconnaître, voilà, j'ai décidé un peu le 19e, voilà, Groton, il y a Gush, Yax. Il y a Melia, la plus belle. Voilà, Mams. Fais un bisou, le frère. Et voilà, on pense à toi. Big up, Mams. Et merci, on se retrouve demain. Ne vous inquiétez pas, oui, on se retrouve demain. On va faire écouter plein de titres. Quand débarque le prince du live. Le prince, normalement, débarque demain. Prince, ok. Le prince Téménique. Il était en train de. Il a racheté L'Oréal. Et il va en faire une équipe de foot. Donc, L'Oréal, ils veulent faire L'Oréal de Madrid. Donc, on suivra. L'Oréal de Madrid. C'est pas toujours, en fait, celle-ci. Oui, toujours. Elle est belle. Allez, c'est parti. On va retrouver D-Fool maintenant, puisque. Je sens que ça s'active de l'autre côté, dans le studio. Eh oui, sens aussi le rire de Samy tout autant. On va rigoler, gros. On va bien se marrer. C'est une émission comique ce soir. Ah, franchement, c'est bon. Les mecs, en fait, ils prennent leur pied de voir pas la télé, tu vois. En fait, l'impression qu'ils attendent que ça. On a tellement souffert. Mais comment tu. Ah, comme tu disais, l'Alger, gros, 7 minutes de jeu, pas de but. C'est très bien. C'est bien déjà c'est pour très, vous. Très, très bien. 7 minutes. C'est très bien. Mais vous êtes arrogant. Mais tu sais, Fredo. Quoi quoi qu'il arrive, ça va être drôle si le PSG se fait taper. Bon, bah, on va rigoler parce que ça. Ça va pas aller, Karim. Ah, moi, ça va pas aller, ce sera pas drôle. Et si le PSG tape le Barça, Samy, ça va pas aller. Non, ça va, tranquille. Donc, rien que ça, ça me réjouit de la soirée qu'on va passer ensemble. Non, mais déjà, regarde la tête qu'il a pastoré, s'il te plaît. Le pire, regarde la tête qu'il a pastoré. Et il a ta coupe, en tout cas. Il a pris ta coupe, hein. Elle a pris ta coupe. Bien joué, Fredo. Oh, la Il a pris ta coupe. 1-0, Fredo. Bon, le pire, c'est bon signe, c'est bon signe. Bon, allez, on suit ça en direct, évidemment, sur Skyrock. Restez bien dans le coin, Radio Libre, c'est parti. Dans un instant, vous nous appelez au 01-53-43. Qu'est-ce qu'elle a, ma coupe? Mais qu'est-ce qu'elle a, mais ma coupe? Mais tu t'es fait tailler. Je sais pas pourquoi tu tailles. J'essaie de revenir avec un truc un peu original. Oui, elle a pastoré. J'ai pensé à tout. J'ai pas vu ta coupe encore. Eh ben, ouais. Eh ben, si vous avez les images de pas. Qu'est-ce qu'il y a, Momo? Momo, il s'active. Dis-moi tout. Ils sont trop pas. Il est stressé. C'est le mort. Mais regarde, vous allez bien vous éclater. Mais regarde, c'est facile. Oui, je crois que c'est pas mal. Une équipe de commentateurs au summum. Au summum jusqu'à minuit, on est là. Allez, viens. Le foot à suivre. L'Alger à retrouver demain dans Planète Rap, évidemment, à partir de 20h. Et vous tous à retrouver tout de suite. On vous attend en direct. Allez-y pour vos réactions déjà sur le 41759, le skyrock.fm. Pour le foot, pour tout le reste, vous nous appelez au 01 53 40 30 20 aussi. Toute l'équipe est là. C'est parti jusqu'à minuit. Et, ouais. Et on va démarrer avec Soprano, tiens. Ça vous fait plaisir. Bonne idée. Dans le sud. Allez, un petit Sopra pour démarrer. On se fait Cosmo et on arrive tout de suite après sur Skyrock. À demain, Fred. À demain, Angelino. Ciao. Ciao. Tous les matins sur Skyrock.